Merci d'écouter la première. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Je crois que c'est d'une grande signification, non seulement pour le Venezuela, mais pour toute l'Amérique latine, de présenter la figure et l'œuvre de Simon Bolivar. Du Libertador. Le Venezuela était le cas d'école de la démocratisation réussie en Amérique latine. À l'héritier. Monsieur le Président. C'est la famine. Les enfants cherchent à manger dans les poubelles. La mémoire de l'indépendance. C'est un pays qui, en réalité, est plus mal géré que pauvre. This week, the United States of America sanctioned Venezuela's state-owned oil company. Pourquoi les Vénézuéliens s'estimeraient-ils tenus à être honnêtes quand les chefs du pays ne le sont pas? Les militaires ne meurent pas de faim. Ils ne sont pas ruinés non plus. L'armée est aujourd'hui le pilier du Venezuela. Ils profitent tout bonnement du régime. L'intérêt stratégique prime sur l'humanitaire dans la politique des États-Unis. Le Venezuela s'apprête à vivre la plus grande catastrophe économique de son histoire. Cette semaine, le Venezuela. Chapitre 4, une irrigation bouchée. 1973, coup de théâtre. L'augmentation brutale des prix de l'or noir fait passer le baril de 2 à 14 dollars. Le Venezuela voit du même coup son budget triplé. Aux élections suivantes, les prétendants sont légion. Ils ne sont pas moins de 13. L'un d'entre eux a pour slogan « La démocratie avec énergie ». La phrase fait mouche et convainc une majorité. Mais le nouveau président Carlos Andrés Pérez a un problème de riche. Que faire avec tant d'argent? Certains ont la mémoire longue et se rappellent fort bien que Carlos Andrés Pérez n'est autre que l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Betancourt qui en son temps avait mené une politique de répression contre la guérilla. Ils accueillent l'ancien premier policier du pays, devenu président, à grands coups d'attentats. Mais Pérez, à la baraka, et parvient systématiquement à en ressortir vivant. De là à se comparer avec un illustre prédécesseur, il ne saurait y avoir qu'un pas. Je crois que c'est d'une grande signification, non seulement pour le Venezuela, mais pour toute l'Amérique latine, de présenter la figure et l'œuvre de Simon Bolivar. Au-delà de cet uniforme, dans lequel on le voit, se trouve un des plus grands génies de l'humanité. La pensée du libérateur va au-delà de son œuvre militaire qui donna l'indépendance à toute l'Amérique latine. Ensemble avec d'autres libérateurs qui venant d'autres pays frères ont apporté leurs efforts et leur génie pour obtenir la libération de notre continent américain. La mort du libérateur Bolivar, c'est l'expression tragique de ce que doivent endurer tous les grands hommes. Il est mort dans l'exil et son testament politique apporte une contribution toujours actuelle pour l'unité latino-américaine et pour une meilleure expression politique de nos peuples. Carlos Andrés Pérez est un président fort visité. Le président équatorien Guillermo Rodríguez Lara ouvre le banc, suivi du Shah d'Iran. L'année suivante, ce sont Pierre Trudeau, premier ministre canadien, le maréchal Tito de Yougoslavie, le président hongrois, le chef d'État péruvien, le général Francisco Morales Bermudez, le roi d'Espagne et le secrétaire d'État américain Henry Kissinger qui visitent le pays. L'or noir crée des amitiés et des obligations. Carlos Andrés Pérez se rend à Alger, à la réunion des chefs d'État des pays de l'OPEP, au Mexique, au Panama, afin de trouver les termes permettant de sceller des alliances auxquelles la géographie incite naturellement. Il se rend aussi en Europe, aux États-Unis, à plusieurs reprises, au Moyen-Orient. L'or noir crée des alliances avec le Japon ou encore avec l'ancien ennemi, l'Espagne. Le Venezuela s'engage à lui fournir un nombre important de barils par jour. L'or noir permet de trouver des investisseurs qui participent au financement de la modernisation. Une université Francisco de Miranda est créée à Coro, une université nationale ouverte à tous. L'homme des nationalisations est cependant lâché par ses électeurs qui ne reconduisent pas son mandat. Et lui préfère Luis Herrera Campins, démocrate chrétien, ancien journaliste politique, qui fait porter une partie des efforts de son gouvernement sur l'éducation et la politique sanitaire. L'évolution du pays et la masse financière gérée par le pétrole ont au fait de voir la corruption envahir les rouages de l'ensemble. Dans les années 80, elle alimente tous les débats, ceux de l'homme de la rue, ceux des parlementaires. L'ancien président, Pérez, est mis en examen, sauvé par une majorité de parlementaires qui l'exonèrent de toute charge. L'impression, la certitude d'une classe politique qui s'auto-amnistie commence à envahir les esprits. La hausse des cours du pétrole fait passer le Venezuela de l'euphorie à un début de dépression. C'est l'augmentation de trop. En février 83, on est alors passé à la présidence de Jaime Lusinchi. Le pays traverse la semaine la plus mouvementée de son histoire économique contemporaine. Le gouvernement, qui avait mis en place une politique de convertibilité du bolivar, destinée à maintenir l'inflation, doit abandonner cette stratégie. S'ouvre alors une période de marché noir du dollar. C'est la fin des grands projets économiques. Confronté à la fuite des capitaux, au dérèglement de l'économie, à la toute-puissance des monopoles et à la mévente du pétrole. L'inflation vénézuélienne commence à prendre la couleur des taux des voisins du continent sud-américain. À la fin du gouvernement de Lusinchi, les réserves nationales du pays sont à un des niveaux les plus bas de son histoire. L'abstention lors du vote suivant atteint le taux record de 20%. Un signe fort dans un pays où le vote est obligatoire. La classe moyenne fait ses comptes. Elle est la première à n'avoir pas pu profiter au cours des 10 dernières années du fantastique boom économique que connaissait le pays. Elle s'est prolétarisée au profit d'une bourgeoisie nationale surprotégée par l'État. Le bas de l'échelle sociale, lui aussi, subit les contre-coups de cette politique. Un quart de la population souffre alors de dénutrition. Les ranchitos de Caracas, ceux qu'on nomme ailleurs les favelas, deviennent creusets d'une délinquance en forte progression. En 1988, on estime que le revenu moyen par habitant a redégringolé au niveau où il se trouvait 30 ans auparavant. Quand arrive février 89, tout est prêt pour l'explosion sociale. Depuis des jours, des semaines, les prix n'ont cessé de monter, d'augmenter, de croître dans des proportions rapides, inquiétantes, vertigineuses. Augmentation de 100% du billet de transport, de 200% pour le blé et l'huile, de 400% pour le lait. Lors même que les salaires, eux, diminuent de 20%. Sur la scène politique, pas de leader en vue. Guarenas, Guatire, La Guaira, Katia Lamar, tout autour de Caracas explose. Se livre au pillage des magasins. La répression est terrible. Carrasco aura causé la mort de 300 personnes dans la version gouvernementale, entraîné la suppression des garanties constitutionnelles, liberté d'expression, de réunion, liberté de la presse, du domicile. Pour la première fois, l'évidence est établie de la vulnérabilité des démocraties latino-américaines devant les modalités de leur propre dette extérieure, autrement dit, devant les exigences du FMI. En mars 1989, Guy Hermet, après avoir dirigé le CERI, Centre d'études et de recherche internationales, et créé l'Institut des hautes études en développement à Bogota, enseignera de 1985 à 1999 à l'Université de Lausanne. J'ai été surpris par l'ampleur des émeutes et pas par l'ampleur de la répression. J'ai été surpris parce que le Venezuela, d'abord, est le pays, enfin le grand pays le plus riche de l'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que c'est un pays qui vivait à un niveau européen et puis qui, à cause du second choc pétrolier, a vu son revenu diminuer et progressivement le revenu réel des gens diminuer. Et alors, si vous voulez, ça m'a surpris, mais je dois dire c'est par manque de réflexion. C'est-à-dire qu'en y repensant maintenant, c'est évident. Je dirais que c'est l'effet tunnel. À partir du moment où un peuple du tiers-monde voit la lumière au bout du tunnel, la lumière du développement, et ils étaient arrivés au Venezuela, à partir de ce moment-là, ces gens n'acceptent plus de revenir en arrière. Et je dirais qu'ils sont beaucoup plus nerveux, beaucoup plus sensibles que d'autres peuples, par exemple d'autres pays d'Amérique latine, comme le Pérou ou la Bolivie, qui en réalité n'ont jamais connu que la misère. Et alors je crois que ça explique l'explosion vénézuélienne et ça explique la surprise. Mais donc la surprise, elle s'explique, elle se comprend extrêmement bien. Le Venezuela était le cas d'école de la démocratisation réussie en Amérique latine. Ou, si vous voulez, l'espoir secret des analystes. On espérait que ça deviendrait partout comme ça. 31 ans de démocratie, effectivement de bipartisme, un parti social-démocrate, un parti démocrate-chrétien qui alternait à peu près au pouvoir, des élections régulières, presque à l'anglaise, des militaires rentrés dans leurs casernes. Et puis, évidemment, et ce facteur-là, on le connaissait, mais on ne voulait pas l'avantager trop, un pays avec une rente pétrolière très considérable. Il y a peu, ça représentait encore 97% de tout ce que le Venezuela vendait à l'extérieur. Mais en même temps aussi, je dirais, un facteur de corruption, pas au sens courant, je veux dire pas au sens des pots de vin, mais un facteur de corruption du jeu politique. Le Venezuela était un gros producteur de pétrole. Même avec la baisse des prix du pétrole, il apparaissait comme très solvable. Et je dirais que les gouvernants, les deux partis, c'était pareil, ont utilisé cette facilité, ont emprunté. Tant et plus, au point que le Venezuela, quand la crise des paiements, enfin pour la dette de l'Amérique latine s'est révélée en 82, ne savait plus quel était le montant de sa dette. Ils n'en savaient rien. Parce que, au fond, le Venezuela empruntait, si vous voulez, à tour de bras, aussi bien les agents économiques privés que l'État, que les différents ministères, que tout ce que vous voudrez, en ordre dispersé, dans une totale liberté, tant que ça peut. Et ça, je dirais pour maintenir, au fond, les conditions de vie au Venezuela. C'est-à-dire que c'était une fuite en avant. Un pays qui vivait très nettement au-dessus de ses moyens. Le Mexique a fait ça un peu, mais de façon moins forte, moins nette que le Venezuela. Et puis, l'un des moyens principaux, c'était de subventionner les prix, les denrées, enfin, si vous voulez, beaucoup de produits. Et donc, la vie restait bon marché au Venezuela. Et s'il y avait stagnation des salaires, malgré tout, le niveau de vie restait à peu près convenable. Et puis, est arrivé le moment où il fallait bien prendre des décisions, où on ne pouvait plus continuer à subventionner ces prix. Et celui qui a dû prendre cette décision, c'est le nouveau président, Carlos Andrés Pérez, et son prédécesseur, qui s'appelait Lucinchi, qui était démocrate chrétien, et celui-ci est social-démocrate, lui attendait la fin de son mandat. Tandis que Carlos Andrés Pérez est bien obligé de prendre des mesures. D'où l'annonce de ces mesures, gel des salaires, et puis fin des subventions aux produits ou aux services, et donc montée des prix avec gel des salaires, l'explosion, et en fait l'explosion qui n'est pas l'explosion des miséreux, mais l'explosion de demi-riches, enfin sur le plan du niveau de vie. C'est en Amérique latine un pays qui fascinait tous les autres, tous les gens émigraient vers le Venezuela qui était la terre promise pour eux. Si vous voulez, autant ce qu'on appelle les conditions du FMI, donc pour l'octroi de son aide ou de son aval pour des prêts, peuvent être dangereuses politiquement, dans des pays réellement pauvres. Autant, je dirais, là, dans ce cas-là, elle se justifie. Mais je dirais que, puisque c'est un pays qui, en réalité, est plus mal géré que pauvre. Mais en même temps, je crois que le jeu est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il y a une évolution actuellement. Par exemple, la Banque mondiale a une attitude qui est beaucoup plus souple que celle du FMI. Les banques privées savent très bien qu'elles ne récupéreront jamais leurs mises et toutes l'admettent sans le dire ouvertement. Et donc tout ça est en train de changer. Et alors, je crois qu'en définitive, le FMI ne se faisait pas d'illusions en posant ces conditions et que ce qui se passe au Venezuela, je dirais, au fond, c'est le dernier pays où ça devrait se passer, mais en même temps, ça aide. C'est-à-dire que ça pose le problème, effectivement, à l'échelle de la région, de l'Amérique latine. Et puis alors, ça aide considérablement le nouveau président. Comme lui a beaucoup de ressources, je veux dire qu'il est dans des conditions économiques bien meilleures que la plupart des dirigeants d'Amérique latine, ça lui crée une position, au fond, très solide. D'abord, c'est un homme qui a l'habitude d'avoir la main dure, comme on dit en Amérique latine. C'est-à-dire, c'est un homme de gauche, qui a vraiment une aura, quoi, une image d'homme de gauche. C'est l'homme qui a achevé d'écraser la guérilla. Et des guérillas qui venaient de son propre parti au Venezuela. Je crois qu'aujourd'hui, il va montrer la même détermination. D'ailleurs, il l'a montré. On a vu quelle était l'ampleur de la répression. Donc je pense que ça, d'ailleurs, elle est à peu près achevée. Il n'hésitera pas. Et ça lui est beaucoup plus facile que pour un président qui serait de droite comme son prédécesseur ou qui serait de centre-droit. Donc il a cet atout. Puis je pense alors qu'une fois qu'il aura achevé la remise en ordre, bon, effectivement, il va négocier dans des conditions meilleures. Si vous voulez, je pense que Carlos Andrés Pérez ne se situe pas du tout dans une perspective de rupture, de dénonciation de l'impérialisme, mais simplement dans un contexte de négociation tout à fait raisonnable. Qu'en est-il de l'armée au Venezuela ? Peut-elle avoir la tentation ou l'ordre d'intervenir ? Guillermé. Alors, c'est une armée de métier. C'est une armée qui, probablement, n'a pas d'ambition politique. C'est une armée qui a sûrement des états d'âme. On peut contester l'âme à personne. Donc j'imagine que les militaires vénézuéliens ont des états d'âme. Mais simplement, si vous voulez, après justement plus de 30 ans de pouvoir civil, ça serait une très grosse rupture que provoquer le retour du balancier, enfin vers l'alternance des dictatures et de la démocratie comme on voit souvent en Amérique latine. Et je pense qu'ils hésiteraient beaucoup parce que effectivement, le Venezuela est un pays qui est devenu différent en Amérique latine. Mais ceci, pas dans tous les domaines. Au terme d'une semaine d'émeutes sanglantes, Caracas était au bord de la famine. Il fallait vendredi faire encore de longues queues devant les boulangeries et les épiceries pour obtenir quelques rares denrées. Dans les barrios, les bidonvilles de la périphérie, la situation est loin en revanche d'être redevenue normale. Et des camions de nourriture devraient y être acheminés dès ce samedi matin. Les habitants de ces quartiers déshérités, notamment ceux de San Bernardino, menacent, dans le cas contraire, de descendre dans les quartiers chics pour piller maisons et magasins. Les pillards, précisément, sont pourchassés sans pitié par les militaires. Des groupes de soldats investissent, mitraillettes au poing, les logements populaires, les perquisitionnent comme le leur permet la loi martiale. Les bavures sont nombreuses et ont déjà alourdi le bilan d'une terrible répression sans exemple dans l'histoire récente du Venezuela. « C'est la fin des mythes au Venezuela. La fin du mythe populiste, la fin du mythe de la représentativité, la fin du mythe de la gauche populiste, la fin du mythe des collaborations de classe, de la vitrine modèle des pays en voie de développement. On passe au coup d'État. Deux pour la seule année 1992. Dans le premier d'entre eux, au cœur d'un groupe d'officiers, on va entendre pour la première fois une voix, celle d'Hugo Chavez. Le Venezuela est en proie à la violence populaire. Ce pays ne peut plus payer ses dettes. Les prix des produits de première nécessité devaient augmenter et cela a créé un déchaînement de colère dans la population. Et à l'heure qu'il est, le calme est revenu, le couvre-feu, lui, est maintenu. Et Caracas s'est réveillé traumatisé par ces scènes inhabituelles. Le Venezuela donnait jusqu'à présent l'image d'un pays stable et plutôt riche. Michel Moconté. Durant 48 heures, le Venezuela a feu et a sang. Des milliers de blessés, plus d'une centaine de morts. L'armée et la garde nationale complètement débordées par ces émeutiers, des émeutiers armés pour la plupart et qui n'hésitent pas à tirer pour pouvoir piller en toute tranquillité. Durant toute la nuit dernière, les coups de feu n'ont pas cessé dans la banlieue de Caracas. Une situation explosive qui a conduit hier soir le président Pérez à suspendre les libertés fondamentales et à instaurer le couvre-feu sur tout le pays. À l'origine de ces émeutes, les plus violentes qu'ait connues le Venezuela depuis 30 ans, un électrochoc économique exigé par le Fonds monétaire international. Le Venezuela ne peut en effet plus rembourser sa dette, une dette de 200 milliards de dollars. Réinsertion et augmentation des prix télécommandés par le Fonds monétaire international, des mesures insupportables pour les couches populaires du pays. Ces remèdes sont sûrement très durs, mais au fond, y a-t-il une autre alternative pour un pays qui a fondé son développement sur le pétrole ? Aujourd'hui, le seul remède possible, c'est d'augmenter l'épargne domestique. Et pour ça, le plus simple, le plus efficace, c'est d'augmenter les tarifs publics, transport, électricité, etc., pour financer le développement. Venezuela, ou l'histoire d'un pays qui se croyait il y a 10 ans encore, grâce à sa richesse pétrolière, immunisé de la violence, cette violence si commune sur ce continent latino-américain. Frédéric Lang, justement, nous sommes au Venezuela à la fin des années 80. Les manifestations de février 89 sont évoquées. Il faudrait revenir sur la situation d'alors, parce que le pays est formidablement riche de son pétrole, surtout depuis une vingtaine d'années, à partir de la première hausse. Et en 89, on découvre des pauvres mal nourris, analphabètes, qui représentent un taux de population particulièrement élevé. Une classe moyenne qui, sans être aussi mal logée, paraît aussi fortement fragilisée. Est-ce qu'on arrive à expliquer un petit peu mieux, cerner un peu mieux le contexte qui débouche sur l'explosion de février 89? Écoutez, il y a à la fois un contexte intérieur, pour toute la question de la mauvaise administration, des ressources nationales, de la richesse pétrolière en particulier, mais il y a aussi le phénomène de corruption, bien entendu, mais aussi tout ce contexte international, la variabilité des prix du pétrole, l'insertion dans un contexte financier international, ce sont justement toutes les politiques monétaires, et en particulier le rôle du FMI. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, même dans le cas d'un pays pétrolier comme le Venezuela, qui conserve toujours une plus grande marge de manœuvre que celle de pays voisins qui ne disposent pas du même type de revenus. Mais c'est justement l'une des raisons principales qui ont entraîné le départ, pour ne pas dire la chute, du président Carlos Andrés Pérez. Donc les raisons sont extrêmement diverses. C'est vrai qu'il y a eu un appauvrissement de ces classes moyennes qui avaient été créées justement par ce boom pétrolier. J'ai eu l'occasion d'évoquer ce terme de Venezuela Saudita qu'on utilisait dans les années 70. Donc là, il y a eu une chute des revenus globaux pour une très grande partie de la population. Est-ce que l'on peut préciser, Frédéric Lang, justement, le rôle du FMI? Vous l'évoquiez à l'instant. Quelles sont les pressions supplémentaires que le FMI exercerait sur des pays comme le Venezuela? C'est toute la question, non seulement du réajustement des taux de change, mais la question de la dette, bien évidemment. Bon, maintenant, moi, je voudrais revenir quand même sur une question qui a à voir avec la politique intérieure, surtout si on se situe dans le long terme et qu'on regarde justement cette période depuis aujourd'hui même, c'est le rôle de l'armée. Parce qu'on oublie souvent que cet épisode de février 89 a été une prise de conscience au sein de l'armée vénézuélienne. Je voudrais revenir également à cette date fondatrice du pacte de Punto Fijo, la chute de la dictature, l'établissement de la démocratie, du système des partis, bon, avec tous ses inconvénients, tous ses défauts, mais enfin quand même dans une conjoncture démocratique s'agissant du Venezuela. Mais il se trouve que l'armée vénézuélienne avait connu une première modernisation dans les années 30. Et cette modernisation s'est poursuivie en grande partie pendant le gouvernement autoritaire justement de Pérez Jiménez. Ce qui fait qu'il y avait tout un secteur de jeunes officiers très bien formés d'ailleurs, dont certains avaient poursuivi des études universitaires, bon c'est le cas de Hugo Chavez, qui vont être confrontés en ce mois de février 89 à une répression parce que tout simplement Carlos Andrés Pérez avait fait appel à l'armée pour réprimer justement ces manifestations populaires, ces saccages de magasins, ces pillages, toutes ces scènes qu'on a pu voir bon, sur les chaînes nationales et internationales à ce moment-là. Donc ça, ça a été le moment d'une prise de conscience de la part de certains cadres, jeunes cadres de l'armée, extrêmement bien formés finalement. Il faudrait rappeler aussi que la tradition de l'armée vénézuélienne, à ce moment-là, c'était celle d'un accompagnement du processus démocratique. Et encore une fois, je voudrais comparer avec les pays voisins, qui à ce moment-là étaient quand même des dictatures dans la plupart des cas. La tradition de l'armée vénézuélienne, c'était d'accompagner le processus politique, et dans ce cas précis, démocratique, et non de l'influencer. Il s'agit d'un pacte entre les intelligentsia politiques et les dirigeants de l'armée. Or, en 89, il va y avoir cette rupture, cette prise de conscience chez les jeunes officiers. C'est à partir de là que vont se développer certains mouvements secrets, clandestins, au sein des casernes. Et c'est l'une des origines du mouvement bolivarien, d'ailleurs, du mouvement de Hugo Chavez. Notre épisode était intitulé « Une irrigation bouchée », une réalisation de Jérôme Nussbaum. Demain, suite et fin de cette évocation, avec un dernier épisode intitulé « Naissance d'un nouveau mythe et bilan des mandats ».